passerai sur ta peau, t'ouvriras les yeux, je tomberai dans leurs plaies, je ne m'y noierai pas, je serai bien trop là, puis tu me souriras, tu me tendras les bras. Je te croise dans la rue, me v'là foutu. Non, j'oserai jamais te dire mon secret. Tu me souris, bonjour, je sais pas dire amour. Tu me souris, ça va, et je perds la voix. Je rêve tout ça, mais le dire j'ose pas. Je veux être aimé sans parler. J'ai juste un peu peur de t'ouvrir mon cœur, de me livrer à tes pensées. Terrifié, j'ose plus parler. Comme la goutte d'eau, je glisserai sur ta peau, t'ouvriras les yeux, je tomberai dans leur bleu, je ne m'y noierai pas, je serai bien trop là, puis tu me souriras, tu me tendras les bras, je rêve tout ça, mais le dire j'ose pas. Je veux être aimé sans parler. J'ai juste un peu peur de t'ouvrir mon cœur, de me livrer à tes pensées. Terrifié, j'ose plus parler.